Le grain de sable d'Attaque, Québec, 10e année. Et passe les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Bonjour à tous et bienvenue au Grain de Sable, votre magazine socio-économique dans lequel on parle de ce qui se passe ici et aussi d'ailleurs. C'est une émission qui est réalisée par le collectif radio de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne Attaque Québec. Cette semaine, on va parler des Premières Nations. Ça fait plusieurs semaines qu'on a prévu de parler de ce sujet-là avec Étienne et Michaël. On souhaitait aborder la question des droits autochtones, qui distingue les Autochtones des Canadiens. Le problème, c'est qu'on a eu beaucoup de mal à trouver des volontaires disponibles à répondre à ces questions. Ça semble plus compliqué qu'il n'y paraît, puis on se demandait pourquoi. On s'est dit peut-être que ça vaudrait la peine de fouiller un peu plus pour comprendre pourquoi c'est un sujet qui semble compliqué et flou. Donc, on va peut-être vous en reparler plus tard, quand on aura plus. Oui, il faudra enquêter un peu là-dessus. Les gens, on voulait poser des questions sur les droits, la différence entre les droits des Autochtones et des non-Autochtones. Il y a des rumeurs. Là, je précise, c'est vraiment rumeur. Il faudrait vérifier les faits. Là. Mais il semblerait qu'il y ait des gens qui ont peur parfois de s'exprimer face au pouvoir des conseils de bande. Maintenant, est-ce que c'est vrai? On ne le sait pas. Mais... Il y a un gué sous roche parce que à peu près personne veut nous en parler. Oui, ou se dit à l'aise d'en parler, ce qui nous donne l'impression que c'est un sujet, selon nous, d'intérêt public et puis que ça mérite qu'on s'y arrête plus, avec plus de sérieux. Mais pour l'instant, avec les moyens qu'on a, ça n'a pas été possible pour nous d'aller plus loin. On va donc vous parler d'une conférence qu'il y a eu cette semaine avec des représentantes du Conseil des aînés des Algonquins du bassin versant de la rivière des Outaouais. Elles sont venues demander la solidarité des Québécois, car la forêt où elles habitent se fait présentement couper. On parle de des Algonquins qui habitent dans le parc de la Vérendrye au lac Barrière. C'est donc des traditionnalistes qui sont venus cette semaine faire cette conférence-là. Mmh. Et on y a assisté. On va donc pouvoir vous résumer ce qui a été dit. Puis on va aussi vous parler un peu du film Québécoisie, qui est un documentaire sorti il y a 2 ans, je crois. C'est l'histoire d'un couple québécois qui décide de parcourir la Côte-Nord pour mieux comprendre les relations entre Québécois et Premières Nations. Mais d'abord, commençons par un petit bloc radio, parce que les deux femmes dont je vous parle, qui s'appellent Shannon Chief et Lisa Thomas, sont venues à l'émission de CKRL, de CKIA, hein? Voix autochtone, ça passe? Oui, exact. Ouais, CKIA, c'est ça. Donc, on va vous faire écouter une capsule audio, un extrait de cette émission-là, pour que vous puissiez avoir une mise en contexte. Avec leur permission, évidemment. C'est l'émission Voix autochtone qui joue les mardis soirs. Une petite précision, la région d'où vient le peuple algonquin, c'est un peuple précis qui s'appelle Algonquin. Ça peut être confondant parce qu'il y a la langue algonquine qui inclut beaucoup de peuples. Dans leur langue natale, ça ressemble plus à Anishinaabe. je ne dis pas que ma prononciation est parfaite, mais on dit généralement Anishinaabe ou Anishinaabe. On parle aussi du lac Barrière, ou encore, eux vont parler du bassin versant de la rivière des Outaouais. Pour être plus précis, là, on écoute des extraits de leur entrevue. C'est en anglais et je vous résume en français après. Vous écoutez Voix autochtone sur les ondes de CKIA FM 88.3. On est avec nos invités. C'est solidarité avec la nation algonquine du bassin versant de la rivière des Outaouais. Et juste pour vous mettre un peu en contexte, c'est une coupe à blanc illégale à grande échelle a lieu en ce moment dans la réserve faunique de la Vérendrye à 300 km au nord-ouest de Montréal. Et le peuple Anishinaabe traditionnel est décidé à la stopper. Et les Anishinaabe invitent tous les gens de toutes les nations à joindre à eux pour arrêter les coupes et protéger la forêt. Et aussi les Anishinaabe traditionnels qui habitent dans la forêt depuis des temps immémoriaux n'ont jamais vendu leurs terres. Alors, la coupe a eu lieu près de leur habitation sur le territoire de chasse ancestrale, dont il dépend pour leur survie, ce qui bouleverse le mode de subsistance de ces chasseurs et cueilleurs. Et en date du 29 juillet 2014, ils ont ordonné à tous ceux qui sont impliqués dans l'abattage industriel de quitter immédiatement son territoire. Alors, on a nos invités ce soir. On a Shannon Chief, qui est messagère du conseil du clan, et aussi la grand-mère Lisa Thomas, aînée de la nation algonquine du bassin versant de la rivière des Outaouais. Alors, Kwe, bienvenue. Kwe. La première, c'est quoi les raisons importantes pour protéger le territoire? The reason why we protect the land. It's the way of we live and everything. It's a cut the way we stay. And we have to protect everything that we live on. Because we don't live like the way you guys live. I live in the bush. I see everything what's going on. Everything has been cut. And we have to go far off to go get our food. And so as the animals. The animals is more important. Because this is our food. And the animals are having a hard time to get their food because everything has been cut. And this is why we have to stand up to protect the land. Because everything we do, and if we protect the land, they always pass as a criminal. Donc, je résume, elle dit « Notre forêt se fait couper et par conséquent, nous aussi, notre mode de vie se fait couper. Elles vivent de la forêt. Évidemment, les coupes forestières font en sorte que les animaux fuient. Elles doivent se rendre très, très loin pour aller chercher leur nourriture. » Et essentiellement, c'est ça qu'elles disent. À moins que... Est-ce que vous voulez compléter? Ça va? Elle mentionnait à la fin que... Maintenant, on s'est toujours battu pour nos droits, pour notre droit de vivre avec notre mode de vie. On s'est toujours fait arrêter. Mais maintenant, on est devenus des criminels parce qu'on veut vivre en fonction de notre mode de vie traditionnel. Oui. D'ailleurs, elle continue sur ce sujet. On l'écoute. We're not a criminal. We're only trying to save our food and some animals that's been destroyed. Donc, justement, elle vient de le dire, on considère qu'on n'est pas des criminels, on essaie de défendre notre nourriture et aussi certains animaux. On écoute l'autre extrait. It very affects the way each year by seasons the Anishinaabe people have a way of how we go through the seasons. Like in the springtime, we go catch, let's say, sturgeon, for example. And then after that, there's going to be another time to maybe gather blueberries and things like that. You know, it affects that way of life of how we eat. It affects the migration of the animals. It really impacts it in a negative way because as Anishinaabe people, we have that very distinct right to be who we are and not to be changed for to live a certain way of life, and we have every right to choose a good life that we know ourselves to be. Oui, donc ça, c'était en fait Shannon Chief, cette fois-là, qui parlait, qui est la messagère. Elle n'est pas une aînée, mais c'est la messagère du Conseil des aînés. On pourra en parler après. Elle dit donc, notre mode de vie de cueilleur, chasseur, est directement menacé, et si vous coupez la forêt, par conséquent, on ne peut pas exercer notre droit. On ne peut pas avoir le droit de vivre comme on le veut, comme nos ancêtres ont promis qu'elles auraient le droit de le faire. Ça, elle ne l'a pas dit, c'est moi qui ajoute ça, là. Mais donc, leur droit d'être autochtone et leur droit à un mode de vie traditionnel est directement menacé en coupant la forêt. Family territories are also trust. That our ancestors had created as a way to for our Anishinaabe people to defend the land. So right now there's a big rise of concern of the band councils making decisions on behalf without consulting the families of these the holders of these pieces of land. Oui, donc dans leur cas, chaque famille, famille au sens large, a un territoire qui leur permet justement de vivre comme ça, et c'est leurs ancêtres Anishinaabe qui avaient négocié ça et qui avaient décidé ça. Mais le conseil de bande s'est permis de changer ça, s'est permis de dire, on va en parler tantôt, là, mais de dire à la compagnie d'aller couper la forêt de tel endroit, sans consulter évidemment la famille concernée. Et on comprend que la famille concernée n'aurait jamais accepté qu'on coupe leur forêt où elles habitent. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, je pense que c'est bien résumé, oui. OK, on écoute la suite. So today we're trying to reset a lot of the going back through history, is trying to remember what is the, you know, we are going back to the elders, and the elders are trying to give us as much of information what they have that we can use and rebuild ourselves again as Anishinaabe people. So the clan system, how that works, it's a council of families that sit together. And these councils of families, there's the Wolf Clan, there's the Bear Clan, there's the Turtle Clan, and there's the Loon Clan, Crane, and things like that. And every each one of these families, they have specific responsibilities to the people, to the community. And every each one of these families, clan families, they have a head clan mother, a clan father, and they have a leader to speak on behalf of everybody, so that the families are all heard and everything is equal, the voice is equal. So this is what we're trying to bring back. Oui, donc c'est toujours Shannon Schiff, la messagère, qui parlait. C'est quand même très intéressant ce qu'elle a dit. Ça a intéressé beaucoup de monde à la conférence qu'il y a eu, parce qu'il faut nommer que c'est de la visite qu'on a eu à Québec. Ils nous ont visité à Québec du 9 au 11 novembre. Oui. Et on a assisté justement à la conférence du mercredi soir au Tam Tam Café. Donc, elle explique que leur fonctionnement habituel ou ancestral, disons, traditionnel, est qu'il y a plusieurs familles qui se rencontrent en cercle. Chaque famille a un mandat social, on pourra en parler tantôt, et surtout, il y a une égalité entre les familles, et ça assure une certaine intégrité, une certaine vision de la communauté. Et par exemple, il y a une famille qui peut être le clan du loup, le clan de la tortue, le clan de l'ours, et chaque animal représente des valeurs. On va pouvoir mieux l'expliquer tantôt, après la pause musicale. Mais essentiellement, ce processus-là... C'est leur mode de vie traditionnel. Ouais. Leur mode de décision et d'organisation sociale traditionnelle. Ouais. Puis qu'est-ce que j'ai oublié, puisque mon but, c'est de rapporter ses propos. Je vais essayer de ne pas commenter. Elle explique au début qu'actuellement, ils consultent leurs anciens, donc leurs aînés, et essaient justement de reconstruire leur culture, leur processus, leur manière de fonctionner, étant donné que la gouvernance actuelle les a un peu trahis, si on veut. Mais on pourra en parler après la pause musicale. Veux-tu présenter la chanson? Oui, on va écouter Plan Nord de Samian, qui est un des artistes autochtones les plus connus au Québec et au Canada, dont les paroles vont quand même bien avec la position des femmes qu'on vient d'entendre. Décidé de perdre le Nord pour des diamants, de l'argent et de l'or. Ils prétendent vivre dans un pays libre, mais ils ignorent que la nature est le parfait équilibre. Trop de consommation pour des biens matériels. On est en train de perdre le Nord et les enjeux sont réels. Vous profitez de la terre pour vos propres envies, sans même réaliser qu'elle nous mette en vie. Vous voulez profiter pour une seule génération, mais cette terre nourrit toute une population. Vous voulez déraciner tout le Nord québécois, mais un jour vous comprendrez que l'argent ne se mange pas. « t'inquiète, j'ai compris, c'est une question business. Vous gouvernez un territoire rempli de richesses. Venez surtout pas me faire croire que cette terre vous appartient. C'est plutôt grâce à elle qu'on respire chaque matin. Je représente mon peuple à travers l'art et je vous annonce de leur part que le peuple en a marre. Mais on connaît vos politiques, des êtres obsédés. Là où il reste un peu d'air frais, vous devez le posséder. Vous faites même basculer notre chaîne alimentaire. Assis bien au chaud sur la colline parlementaire. Vous pensez refaire le monde avec vos projets de loi. Mais un jour vous comprendrez que l'argent ne se mange pas. J'ai vu sur cette terre les plus belles rivières, mais à cause de vos mines, les poissons, le cancer, nos ressources naturelles s'épuisent rapidement. Tout ça pour aller vivre près des tours de ciment. Les rivières sèchent, les arbres tombent, les avares se réjouissent car le dollar monte. Les esclaves de l'argent n'auront rien dans leur tombe. On fait tous des erreurs, mais à leur place j'aurai honte. On sera tous concernés quand la terre sonnera son heure. Je veux juste vous rappeler que vous commettez une grave erreur. Je suis honnête avec vous, votre politique me déçoit, mais un jour vous comprendrez que l'argent ne se mange pas. Sur cette terre, y'a des gens remplis de sagesse, enfermés dans vos réserves, prisonniers de vos gestes, qui protègent ce territoire depuis la nuit des temps, parce qu'on habite cette terre depuis plus de 10 000 ans. Avez-vous pensé aux gens qui habitent ces forêts? Vous avez mal calculé l'impact de votre projet. Cette terre est fragile, sauvage et indemne, aussi riche et fertile qu'une terre africaine. On ne peut la posséder, cette terre nous a élevés, on doit la protéger, elle est mère d'humanité. Le plan Nord repose sur une génération, je m'y oppose. Pose au nom de toute la nation. La nation. Polluer tous les rivières. Quand vous aurez tué tous les animaux, peut-être comprendrez-vous que l'argent ne se mange pas. De retour à l'émission Le Grain de Sable et on parle aujourd'hui des Autochtones. On a eu la visite de deux femmes qui étaient qui parlaient au nom d'une partie des Algonquins qui habitent le parc de la Vérendrye, qui sont traditionnalistes et qui sont venues parler de leurs revendications au Tam Tam Café mercredi dernier. Elles représentent plus précisément le Conseil des aînés. Qui n'est pas rien, dans le sens qu'ils sont vraiment organisés, ils ont des positions, ça fait plusieurs années qu'ils luttent. C'est une longue lutte, ça fait une dizaine d'années qu'il faut le dire, il y a une sorte de conflit politique entre le conseil de bande officiel élu et le conseil des aînés. Puis donc, Shannon Chief, c'est la messagère, et Lisa Thomas est une des aînées, grand-mère, eux l'appellent Cocoon, c'est comme le nom de la... Cocoum, c'est le nom grand-mère, finalement, dans leur langue. Okay. Puis ça signifie plus que, pour nous, quand on dit une grand-mère, ça signifie sagesse, ça signifie aussi une personne qui est gardienne de la tradition, puis de la culture. Donc, c'est une marque de respect aussi, quand on appelle... parce qu'il y a les cocoum, ça c'est les grands-mamans, puis il y a les aînés qui sont un degré de sagesse plus élevé, qui elles sont vraiment des porte-parole et des flambeaux de la tradition. Donc je crois que Lisa est aînée du clan du loup. En fait, les deux, je leur ai demandé, sont du clan du loup. C'est pas un vrai clan, là, j'explique. Là, dans le fond, c'est... Puis c'est pas clairement une famille, c'est pas nécessairement génétique, là. C'est-à-dire c'est pas nécessairement de naissance, mais dans le conseil des aînés, elles sont les messagères. Le loup, c'est ça. Ça représente les messagères, protectrices un peu aussi de ce genre d'enjeux-là. Là. En fait, justement, c'était un des points qui a été expliqué par Shannon Chief lors de sa conférence et aussi de son entrevue à Voix autochtone. Elles expliquaient comment fonctionne l'organisation traditionnelle qu'elles sont en train d'essayer de remettre en vie, auxquelles elles sont en train de redonner vie. Pour préserver leur tradition. Donc, c'est en forme circulaire, donc c'est vraiment des prises de décision par consensus. Je pense que c'est par consensus. On peut dire que c'est de la démocratie directe, mais c'est pas comme ceux qui l'appellent, évidemment. Pour eux, c'est... il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clans. Il y a 8 clans. Il y a le clan de la tortue. Le clan de la tortue qui représente l'éducation des enfants, la transmission de l'histoire, de la philosophie, c'est le clan pour eux le plus important. C'est celui qui va... Dans le fond, c'est un peu comme nos enseignants. Oui. Et ensuite, il y a le clan des cervidés. Donc, selon les nations, ça peut changer. Ça peut être le cerf, l'orignal, ça peut être le caribou. Donc, c'est un animal à cornes. Ce clan-là, sa mission, c'est de rappeler au peuple de ne pas oublier les cadeaux de la vie. Donc, l'eau, les arbres, la terre, le rôle de ce que la terre nous apporte. Le respect de la nature, donc, en général. C'est pas une question de... Pour nous, on l'interprète comme du respect. Pour eux, ils l'interprètent comme la relation profonde entre l'homme et la nature. Donc, c'est la reconnaissance pour ce que la vie nous donne et de ne jamais oublier ça. C'est comme ça fait partie de leur sagesse puis de leur croyance de base. Ce sont ceux qui s'occupent aussi de la construction des maisons dans la communauté. Donc, c'est des manuels, si on veut. Ensuite, il y a le clan du loup. C'est aussi les coyotes et les martres. Ils offrent la protection aux gens et ce sont des messagers. Leur valeur est l'honneur. L'honneur, OK. Ensuite, il y a les hérons ou les grues qui sont des leaders externes. C'est le clan qui va dealer, on va dire, ou en bon français, qui va négocier avec le gouvernement. C'est eux qui sont en charge de porter la parole du peuple et les décisions qui ont été prises par tout le peuple avec le gouvernement canadien, provincial et autres. Ensuite, il y a le clan des huards ou des canards, qui sont les leaders internes. C'est ceux qui sont les chefs de la communauté, qui s'occupent du bien-être de la communauté. Ensuite, il y a les oiseaux, les aigles, ce sont les responsables des lois, qui étudient les projets de loi et qui les créent. On considère que les oiseaux pouvant voler très haut dans le ciel, c'est les plus proches du Créateur, donc c'est normal que ce soit les mieux placés pour étudier la justice et déterminer ce qui est juste. Ensuite, il y a le clan de l'ours. L'ours, c'est le gardien du savoir, le guérisseur. Alors, on a dans ce clan-là les policiers, les médecins, qui sont en charge de transmettre le savoir-faire. On avait des chamans qui étaient souvent symboles de l'ours. Parce que les chamans étaient des guérisseurs. Donc voilà. Puis au centre du cercle, il y a le peuple pour qui tous ces clans-là travaillent et prennent les décisions. Donc tous les clans sont à égalité par rapport au peuple. Et tout ce qui vient du peuple doit être pris en considération par les clans. Les clans sont comme des garants de la santé et du bien-être du peuple. Et voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne au niveau traditionnel auprès des femmes qui sont venues nous voir. Mais concrètement, pour nommer un peu les avantages qu'elles nomment de ça, là, ce qu'elles veulent, c'est l'égalité entre les familles et aussi que les différentes sphères de la vie soient considérées. Qu'est-ce qu'elles disent? C'est que le conseil de bande n'est qu'influencé que par l'argent. Les gouvernants actuels, les décisions sont toutes influencées purement par des questions de profit et pécunier. Donc, elles veulent un système qui considère le bien commun, qui considère une vision plus large. Là. Donc, c'est pour ça que chacun représente des valeurs et une partie de la société. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Avant la publicité, 3 minutes. 3 minutes, bon. Elle a commencé à nous expliquer un petit peu quel genre de revendications ils avaient auprès du gouvernement. Ce qu'elle nous a montré, en fait, c'est que entre le peuple, autochtones, les peuples autochtones et le gouvernement fédéral, il y avait à peu près 6 différents niveaux de pouvoir qui interféraient. Donc, il y a le gouvernement fédéral, provincial, il y a les intérêts financiers, il y a l'INAC. INAC, c'est quoi ça? INAC. Je crois qu'elle faisait référence au ministère des Affaires indiennes. OK. Bon. Je peux me tromper. Là, mais... Et puis le conseil de bande et le peuple. Ouais. Elle nous a montré ça pour nous expliquer que finalement, les derniers qui sont écoutés, ce sont les gens en bas. Le conseil de bande, c'est une création du gouvernement fédéral qui a été fait pour faciliter les négociations avec les peuples autochtones, mais ça ne fait pas consensus, un conseil de bande. Donc, les femmes qui sont venues nous voir, elles nous ont dit que ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est d'écrire une constitution. Donc, les peuples traditionnels, les Anishinabés là, qui sont traditionalistes, souhaitent écrire leur propre constitution et l'affirmer comme étant une autorité sur leur territoire traditionnel non cédé. Ouais, ben elles veulent se donner d'urgence et c'est leur priorité actuellement, effectivement, une nouvelle gouvernance pour sauver, concrètement, c'est pour sauver leur forêt et arrêter. Puis préserver leur mode de vie. Oui, exact. Pour eux, là, la forêt est directement liée à la survie de leur tradition, de leur culture, puis de leur langue. Ils voient pas, ils dissocient pas l'un de l'autre. Ouais. C'était important de mentionner, d'expliquer. Je parlais justement à les atomistes, l'aîné. Le conseil de bande, ce qu'il a fait, il a été élu d'ailleurs par environ... c'est-à-dire qu'il y a une élection qui a environ 800 électeurs, mais environ 300 habitent sur les lieux. Ça a été très contesté, très difficile. Et le conseil de bande, étrangement, a dit à la compagnie forestière qui est Forêt Résolue, si je ne me trompe pas, ou Forêt Resolute, a dit à la compagnie, vous pouvez la couper là-bas. Vous pouvez couper cette terre-là où habite la famille traditionnelle. Qui est un geste, les autochtones considèrent que c'est un geste plutôt violent. Et elle dit que c'est vraiment ça qui s'est passé. Là. Et il y a plusieurs témoignages de ça. Là, c'est ça. Donc, de fait, le conseil de bande a permis à la compagnie de couper leur forêt. C'est ça, qui part évidemment tout le conflit. Ce qui nous amène à la question de la légitimité, de la prise, le mode de prise de décision au sein des peuples autochtones, ouais. Comment ça se passe dans les communautés exactement. Mmh. Puis ça, c'est pas facile de comprendre. Bon, moi, on pourra parler de manière plus concrète des droits un peu après la pause publicitaire, parce que ça pose la question une question de droits humains. On en a parlé avant l'émission. Là. Leur mode de vie n'est pas possible si on coupe la forêt. Donc, il y a peut-être un droit ici qui est littéralement violé. Et on pourra parler ensuite de en quoi ça nous concerne. C'est quoi la demande? Pourquoi ils sont ici? Qu'est-ce que nous, on peut faire là, pour réagir à ça? Donc, on va passer aux publicités bientôt. 89.1. Ils mélangent les spermes du mari d'une quantité qui est fixe et les spermes du mari fertilisent l'œuf, la femme, la mère. Vous écoutez CKRL. Outre l'intérêt des enfants à naître, l'espacement raisonnable des naissances constitue aussi un facteur essentiel pour l'équilibre du couple, pour la santé physique et mentale de la femme et pour son épanouissement. L'insécurité est la chose la mieux partagée du monde. Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents de Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès au spectacle de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com. Première Ovation vous invite à découvrir les artistes émergents de Québec. Du 12 au 21 décembre, Les Contes à passer le temps vous convie à une soirée de contes urbains et folkloriques pour vous raconter des histoires de quartier et les secrets de ses habitants. Visitez premièreovation.com pour en apprendre plus. Qui me tuera? Où est l'homme invulnérable, capable de tourner contre moi son épée sans lui-même y trouver la mort? Il est tout près de toi, devant tes yeux. Vois-tu mon bras? Je le vois. Mais c'est celui d'un lâche, qui tient trop à la vie depuis qu'il est roi. Si je suis si lâche, pourquoi viens-tu me combattre avec une nombreuse armée? Encore une fois, je te réclame le sceptre et ma part de royauté. Tu n'as rien à me réclamer. Ce palais est à moi et j'y reste. Les Phéniciennes, un texte d'Euripide dans une mise en scène de Lorraine Côté. Présenté au Théâtre du Conservatoire d'art dramatique de Québec du 7 au 14 décembre. Réservation au 88 643 9833. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez... Bird People, l'exode Dieu et Roi, Mille fois bonne nuit, programme Kino Québec, les rendez-vous internationaux du documentaire de Montréal à Québec présentent 18 Fugitives. Aussi, à ne pas manquer au Musée de la civilisation... Bird People, mille fois bonne nuit. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. De retour au grain de sable, et on a parlé depuis le début de l'émission de deux femmes autochtones qui sont venues nous rendre visite à Québec et qui viennent du parc de la Véranderie. Elles s'appellent Shannon Chief et Lisa Thomas, et ce sont des porte-paroles des traditionnalistes du autochtone algonquin, Anishinaabeg, du parc de la Véranderie. Donc, voilà. Et puis là, on est en train de vous expliquer les revendications qu'elles nous avaient soulignées à la conférence qu'elles ont donnée mercredi au Tam Tam Café. Bon, on parlait avant la pause Jeudi au Tam Tam Café. Ouais. Ouais. Alors, on parlait avant la pause que même si le conseil de bande a permis à la compagnie Forêt Resolute de couper à cet endroit-là, entre autres choses, c'est aussi tout le reste de la réserve faunique La Véranderie qui, depuis de nombreuses années, se fait couper et c'est dénoncé par beaucoup de gens aussi. Ça en soi, il faudrait prendre des photos pour avoir une bonne image de ce que ça représente. Mais donc, leur droit d'être, c'est ça qu'ils disent aussi dans l'entrevue à Voix autochtone, leur droit de vivre de leur manière, etc., est littéralement empêché par cette décision-là. Donc, la question se pose, est-ce que leurs droits ont été violés? Outre, même si le conseil de bande a le droit là, de prendre des décisions. Là, Si on en était rendu à la question de ce qui est légitime pour représenter vraiment tous les Anishinaabe et finalement les premiers peuples, est-ce que le conseil de bande, parce que souvent les décisions des conseils de bande sont contestées par de toutes parts dans les communautés parce qu'ils ne sous prétexte qu'ils ne représentent pas l'intérêt général. Oui, ben d'ailleurs les atomistes sont en cours actuellement. Concrètement, c'est parce que ils ont fait un blocus il y a environ une année et demie ou deux. Elles ne font plus ça actuellement. Je pourrais l'expliquer après là, mais elles bloquaient la rue. Faut voir que ils étaient tout simplement assis. La 117 assis, qui est dans le par la Véranderie, on est d'accord. Oui. Juste pour bien visualiser, c'est des 5 personnes environ assis sur le sol. Là. Faut pas, c'est pas le mot blocus c'est un peu gros là, mais elles ont été arrêtées dans ce cadre-là et ils sont en cours. Et évidemment, elle va tenter de convaincre le juge qu'il défendait un droit légitime. Mais pour faire suite à ça, c'est important de mentionner, je trouve ça intéressant, parce qu'elle parlait d'un climat de peur. Les gens n'osent plus faire d'action directe comme ça. Les gens ne veulent plus se faire arrêter. Et donc là, justement, cette année, ils ont réussi à éviter toute arrestation. Leur stratégie cette année, c'est de prendre des méthodes d'action, des moyens d'action qui ne mènent pas à l'arrestation pour la simple et bonne raison que sinon, les gens ne participent pas. Parce qu'ils ont peur de se faire arrêter, mettre en prison. Ouais. Ce sont donc les femmes aînées qui prennent le plus de risques parce que, justement, elles ont moins de chances de se faire arrêter. On a plus tendance à arrêter les jeunes hommes que les grands-mères. Donc, c'est souvent les grands-mères qui vont aller au front et qui vont venir faire des conférences, aller en cours, revendiquer les droits. C'est un peuple qui a... C'est poignant de les écouter parler parce qu'ils sont en train de nous expliquer que leur tradition est en train de mourir, en fait. Qu'eux, ils se battent pour la préserver. Et on est responsable de ça, en fait, en tant que Canadien. Ça veut pas dire que là, il faut se torturer puis se dire, mon Dieu, on est coupable puis se sentir coupable, mais ça veut juste dire de comprendre que Il parle du système colonial qui a été mis en place depuis le début du Canada. Les lois qui régissent la vie des Autochtones ne sont pas basées sur les droits de l'homme. C'est pas compliqué, là. Ce cas-ci, je pense qu'on peut dire qu'il y a une violation de leurs droits. Il y a des violations directes des droits. Le droit d'un peuple à l'autodétermination n'est pas nécessairement reconnu, mais il y a des droits plus fondamentaux encore qui ne sont pas reconnus, c'est-à-dire le droit d'avoir un environnement sain, d'avoir sa propre culture, le droit à la liberté d'expression. C'est ça qu'on se demandait tout à l'heure. Est-ce que vraiment les Premières Nations, dans leur communauté, si on n'est pas d'accord avec le conseil de bande, de quelle latitude on a pour exprimer notre opinion? C'est ça qui semble être malmené. Oui. Donc, on peut se poser la question maintenant par rapport à nous. Qu'est-ce qui est demandé? Moi, ma compréhension est qu'on nous demande de les appuyer moralement et de faire pression peut-être aussi sur la compagnie Forêt Résolute. Ça, c'est mon interprétation, là. C'est-à-dire peut-être d'écrire à la compagnie ou la convaincre de... Même si le conseil de bande a dit qu'il avait le droit de se retenir parce que concrètement, il y a des gens qui vivent là et qui ont des droits. Est-ce que tu le comprenais autrement? Ou? Je ne comprends pas ce que tu veux dire, en fait. Qu'est-ce que tu... nous, notre rôle, qu'est-ce que nous, on peut faire comme Québécois externes, on n'est pas à l'interne de leur communauté, c'est faire pression sur la compagnie, le gouvernement canadien, le gouvernement québécois. Dans ce cas-ci, c'est les deux gouvernements, mais particulièrement québécois, peut-être. Là. Moi, je pense que la question qui est sous-jacente à tout ça, c'est justement la question des droits de l'homme. C'est pour ça que je l'ai mentionné. Mmh. Là. J'ai l'impression que ça pourrait être... plus des revendications pour que tout le monde ait accès justement à... pour que les droits soient respectés finalement. De chaque citoyen canadien et non-citoyen canadien vivant sur le territoire. Je veux dire, même les Premières Nations n'ont pas le même statut légal qu'un Canadien. Ouais. Et à cause du statut qu'ils ont, ils n'ont pas les mêmes... Le gouvernement n'a pas les mêmes obligations envers eux. Mm-hmm. C'est donc leur conseil de bande et à eux-mêmes de s'organiser. Ce qui a fait qu'on a eu des traditionalistes qui ont dit on va continuer à vivre comme on faisait avant, avec notre mode de vie traditionnel. Puis il y en a d'autres qui sont plus pour la civilisation, la vie occidentale et on va dire le capitalisme, puis le mode de vie des Occidentaux. Et là, plus on coupe le territoire à cause de l'exploitation forestière, minière et autres, plus on réduit leur champ de choix, leur champ de possibilités, et donc leur mode de vie traditionnel ne suffit plus à leur subsistance, et les lois qu'ils ont ne leur suffisent pas non plus à leur permettre de vivre dans un environnement sécuritaire, sain, d'avoir leurs droits respectés. On a entendu parler de la question des femmes disparues, les femmes autochtones disparues. On entend parler d'enlèvement d'enfants par le gouvernement. Je veux dire, j'ai pas compris tout, là, parce que je suis consciente de mon ignorance et j'essaie de faire ça avec humilité, mais je sais qu'il se passe quelque chose de grave et que les Indiens n'ont pas les mêmes droits qu'un citoyen canadien, qui est déjà en train de perdre ses droits. Donc, ça va pas bien, comme on dit. C'est pas faux, mais en même temps, j'ajouterais qu'il y a des communautés québécoises qui peuvent vivre des situations similaires, où la grosse compagnie, puisqu'on parle de compagnies assez riches et puissantes, dont parfois des compagnies minières, peuvent parfois... C'est arrivé, par exemple, à Malartic, là, des gens qui se font expulser de force, ou presque, là, mais c'est pas loin de la force. Puis des gens qui se font intimider quelque part. C'est intimidant quand la compagnie riche et puissante dit « On veut passer une pipeline en dessous de ta maison, puis bon, il y a une pression, puis tu négocies tout seul face à la compagnie. » Donc, il y a des parallèles à faire quand même. Je propose une pause musicale. Puis ensuite, on a des points d'actualité qu'on pourrait mettre ensuite. D'accord. Ça va? C'est parti. Alors, c'est la chanson du groupe A Tribe Called Red. Ha ha ha! J'adore cette chanson-là. C'est A Tribe Called Red. Ça a été créé par... en fait, ça s'appelle... le groupe s'appelle A Tribe Called Red. La chanson, c'est Electric Power Drum. C'est de la musique de power. Donc, on danse là-dessus. J'adore ça. Et donc, c'est aussi la chanson qui a été choisie pour le documentaire Québécoisie, qu'on va réentendre tout à l'heure, oui. À mon grand plaisir. On va manquer de temps, il va falloir conclure un peu cette situation des Anishinaabe, Algonquins, de la réserve faunique, la Vérendrye. Ben, si tu veux, je peux... Oui, vas-y. C'est ça. Donc, dans un esprit journalistique, je vais essayer de résumer leurs propos à la conférence. C'est vraiment leurs propos, mais qui sont fort intéressants. Il y a plusieurs nations, mais entre autres les Anishinaabe, qui ont une prophétie, ils ont une vision, mais on en a parlé un peu avant l'émission, vous allez voir. ils ont la vision qu'on est à la croisée des chemins d'une décision importante, où soit on établit une nouvelle manière de faire et des nouveaux traités et de nouvelles manières de vivre, donc qu'on prend un chemin qui mène vers un mode de vie viable. Sinon, elles craignent que sous peu, on va vivre des situations de chaos et de destruction liées beaucoup aux limites des ressources naturelles. Lisa Thomas dit que la Terre-Mère souffre, et quand je l'ai interrogée, elle m'explique que c'est la vie. C'est-à-dire qu'elle considère qu'il y a beaucoup de formes de vie sur Terre, en particulier où elle vit, qui sont en souffrance. Et voilà, donc en fait, elle a même pleuré, elle a versé des larmes en disant ça. Là. Donc, ils ont vraiment le sentiment que la nature est très malmenée, en danger, et que ça va nous mettre en danger aussi, que nos peuples vont finir en conflit. C'est-à-dire la Terre, les êtres humains, on va finir en conflit si bientôt on vit pas autrement. Oui, elle mentionnait le fait que leur lutte n'était pas leur lutte à eux. C'était la lutte pour la biodiversité, dans le fond. Et ils ont fait partie de la biodiversité. Alors, dans leur vision à eux, ils nous invitent à prendre conscience de ça et à, avec eux, essayer de préserver ce qu'il reste de forêt intacte, de biodiversité, pour s'assurer d'avoir la possibilité de vivre de façon en coexistence pacifique et en respectant les droits des peuples. Parce que plus ça va, plus la Terre va être... plus la biodiversité va être détruite et moins on a de chances d'être capable de vivre de façon paisible et respectueuse de la mère Terre. Là. C'est dans leurs mots, mais dans le fond, c'est une invitation à créer des alliances, finalement. Tu voulais parler du film Québécoisie? Je oui. le dis parce que le temps file. Oui, je voulais parler de Québécoisie. Ça, c'est pour le Québécois moyen qui ne connaît pas les peuples autochtones, qui n'ose pas trop le dire parce que finalement, il ne veut pas avoir l'air ignorant, mais que dans le fond, ça lui ferait vraiment du bien d'avoir une introduction à la culture autochtone. Et ce film-là, c'est deux Québécois qui ont voyagé partout dans le monde et qui ont, à un moment donné, au Tibet, en discutant avec des gens de la place, pris conscience que quand on leur demandait de parler du Canada, ils racontaient, eux, en tant que Québécois, l'histoire du Québec, et puis les Anglais, les Français, tout ça. Puis à un moment donné, quand on leur demandait, oui, mais avant, qu'est-ce qu'il y avait? Ils n'étaient pas capables de répondre. Donc, ils se sont rendus compte que leur ignorance de l'histoire canadienne était flagrante, qu'ils n'avaient jamais rencontré les Premières Nations. Et de retour au Canada, ils ont pris leur vélo, comme ils faisaient en voyage. C'est d'ailleurs de très bons cyclistes. Là. Ils ont des bonnes cuisses. Et ils ont fait le tour des Premières Nations du Canada pour montrer, dans leur quête de mieux connaître finalement l'histoire canadienne. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'ils étaient en partie responsables de ce que vivent les Premières Nations et que la paix pouvait revenir, que des liens pouvaient se tisser, des liens d'amitié, mais qu'il fallait rétablir la communication. Qu'il fallait rétablir la communication entre les peuples. Je vous ai mis l'extrait, finalement, le résumé du documentaire qui est disponible sur Netflix et also... excusez-moi, also, comment ça se fait que je parle en anglais? Mon Dieu, ma démon sort de ce corps. Netflix et tout.tv. Oui. Et aussi sur leur site web www.mofilm.com. On l'écoute? Oui, on l'écoute. Vous autres, est-ce que vous fêtez la Saint-Jean, Baptiste? C'est comme mal vu de fêter la Saint-Jean ici. Ah, oui. Moi, j'ai toujours dit que l'Indien, ça mange de la viande sauvage. Donc, c'est pour ça qu'ils sont sauvages? Il y a certaines entorses. C'est dans notre jeunesse, on s'est tellement battu contre les non-autochtones. C'est vraiment du rejet de beau prince. Quand j'ai su que mon frère avait été tué à Oka, c'est un membre de la famille qui m'a téléphoné me dire que Marcel venait d'être tué. Les sociétés qui commencent à se parler en autochtones, non-autochtones, c'est des sociétés qui ont perdu le sens, quand même, puis qui ont perdu la raison. Combien de temps qu'on va être capable de vivre autant de souffrances encore? Parce que c'est pas juste la souffrance des peuples autochtones, c'est la souffrance de tout le monde. Moi, j'aurais bien continué à écouter la chanson encore. Donc, voilà. Alors, c'est le film Québécoisie que je vous invite fortement à... pour l'instant, malheureusement, il n'est pas disponible gratuitement. Il faut l'acheter en DVD ou l'écouter sur Tout.tv ou Netflix. J'imagine que plus les années vont avancer, plus il va être disponible. Mais pour l'instant, je vous invite à encourager ces deux réalisateurs-là indépendants. Donc, Michael, tu avais des nouvelles à nous annoncer aujourd'hui qui sont un petit peu en dehors du sujet qu'on a abordé depuis le début de l'émission, mais qui sont quand même pertinentes. Oui. Quelques points d'actualité rapides. Je trouvais ça important de mentionner qu'à la Chambre des communes canadiennes du Canada, il y a une motion qui a été adoptée qui est assez affirmative sur la question du mode de scrutin. Vous avez peut-être déjà entendu parler du mode de scrutin proportionnel. Donc, ça propose qu'à la prochaine élection fédérale, soit mené sous un système uninominal majoritaire à tour actuel. Bon, pour simplifier, un système proportionnel. Voilà. Donc, je trouve ça important de mentionner. Donc, l'ensemble des députés du NPD, du Bloc et du Parti vert et une majorité de libéraux, donc 110 votes, ont voté pour que les prochaines élections ou le prochain système soit plus proportionnel. Donc ça veut dire que le Parlement canadien devrait être plus représentatif des votes, concrètement, là. Malheureusement, évidemment, les conservateurs et plusieurs libéraux ont voté contre. C'est une motion qui a été mise de l'avant par le NPD. Donc, comme vous savez, ça fait quand même plusieurs décennies que des gens proposent que le système électoral canadien, québécois et autres soit plus proportionnel. Donc, ça donne espoir dans le sens que c'est une motion très affirmative, c'est un engagement, mais ça reste à voir, ça sera quoi la réalité en 2015. Ensuite, deuxième point d'actualité, près de 30 multinationales québécoises sont présentes au Luxembourg et j'explique pourquoi c'est important la question du Luxembourg. C'est que c'est dans la presse le 11 décembre par le journaliste Sylvain Lahoc qui explique que plusieurs entreprises ont des filiales au Luxembourg où essentiellement ça sert à éviter l'impôt canadien. Et c'est légal, malheureusement, le gouvernement canadien fait en sorte que les entreprises peuvent transférer beaucoup de leurs profits dans des systèmes financiers et des filiales au Luxembourg et ne paient pas l'impôt canadien. Et malheureusement, le raisonnement du gouvernement a beaucoup d'experts est de dire que les entreprises pourraient le faire ailleurs, autrement, dans d'autres pays. Ils disent ne pas vouloir pénaliser les entreprises canadiennes, mais évidemment, on peut reprocher à ces entreprises-là de choisir de ne pas payer leur juste part. C'est-à-dire que c'est un choix qu'elles font là, d'expédier leur argent là-bas. En fait, pour le cité journaliste, et comme Ottawa a conclu une convention fiscale avec le Luxembourg, les entreprises canadiennes peuvent rapatrier ici les profits générés là-bas, généralement sous forme de dividendes, sans être imposés de nouveau. Donc, en conclusion, juste vous nommer quelques exemples là, des entreprises québécoises, je trouve ça important de les nommer, qui évitent donc de payer de l'impôt canadien. Alimentation Couche-Tard, Molson Coors, Saputo, CGI, Gaz Métro, Cogeco Corp, Cascade, j'achète mon papier Cascade, j'étais un peu déçu, Le Cirque du Soleil et Aldo. Voilà, c'était mes deux points d'actualité aujourd'hui. Qui se termine par Aldo. Tu réalises? Ben oui. OK. Donc, merci beaucoup. On a d'autres choses à vous raconter, mais on va écouter, je pense, la chanson de Lucie Idlaut. Je pense que ce serait pertinent de l'écouter maintenant. Oui. La chanson s'appelle E5-770. C'était le nom donné à sa mère par le gouvernement canadien parce qu'en 1941 et 1978, le gouvernement canadien utilisait des numéros au lieu des noms pour désigner les personnes inuites. Elle vient du Nunavut. 7770, you imposed your name number 85770, my mother's name. Your tongue on fear, too frail to speak identities of thousands cattle. 85770, my mama's name. Have you ever wandered off the days to face you? Now in your future I testify. Have you ever wandered off the days to face you? Now in your future you wish I was lying. Donc, Lucie et de la haute, la chanson E5-770. Oui, chanson un peu révoltée, mais vous comprendrez pourquoi. Oui, avec raison, quand sa maman a un numéro de série, c'est compréhensible. Donc, tu voulais nous parler d'événements engagés de la semaine, Michael? Oui, normalement, on a une chanson thème, mais là, on va accélérer un peu. Donc, je mets de l'avant trois marchés, en fait, plusieurs marchés publics, là, des marchés d'artisans, artisanes de Québec. Les trois que je nomme au début durent jusqu'au 14 décembre. Donc, il y a le Salon des artisans et métiers d'art qui est à Exposité, donc le centre de foire de Québec. Il y a le marché de Noël allemand de Québec qui, lui, a lieu à côté de l'hôtel de ville ou à côté de la basilique. Et il y a le coffre au trésor, jeu de mots ici avec art. C'est aussi des artisans de Québec à qu'est-ce qui s'appelle la Nef. En fait, c'est l'église Jacques-Cartier sur la rue Saint-Joseph-Est. Donc, ces trois marchés se terminent le 14 décembre. Si je ne m'abuse, c'est demain. Ensuite, il y a le marché de Noël, Galerie Sherpa ou de l'organisme Pêche, qui est un groupe communautaire dans ces rocs, mais il y a plusieurs artistes impliqués. Ça, c'est jusqu'au 20 décembre, au 130 boulevard Charest-Est. Dimanche, demain, il y a aussi le marché des cadeaux originaux, encore une fois des artisans, au Petit Impérial, c'est-à-dire 252 rue Saint-Joseph-Est. Ce dimanche aussi, il y a deux actions engagées. Il y a Amnesty International qui fait des cartes de vœux de Noël, mais je vous explique. En fait, c'est des mots d'encouragement, de soutien aux prisonniers, prisonnières d'opinion et aux personnes dont les droits ont été violés. Ça, ça va être à la bibliothèque Gabriel Roy de 10h à 16h. Toujours ce dimanche, il y a une action à 13h devant l'Assemblée nationale pour soutenir la population mexicaine face au fait qu'environ 50 personnes ont été assassinées du collège Ayotzinapa il n'y a pas longtemps et au moins 22 000 personnes ont disparu. Comprendre disparu, c'est enlevé et assassiné par un mélange de police et de mafia. Donc, je trouve ça important de vous le mentionner. Et mercredi, il y a un rassemblement pour mettre fin à la violence envers les travailleurs, travailleuses du sexe. C'est un rassemblement à 16h sur le parvis de l'église Saint-Roch. Vous pouvez avoir tous les détails sur le média réseauforum.org. réseauforum.org. Merci beaucoup. Et maintenant, on va laisser un petit peu de temps à Étienne, qui était avec nous aujourd'hui, mais qui n'a pas eu beaucoup l'occasion de parler. Oui. Tu as lu un article sur que tu voulais partager avec les auditeurs. Oui, c'est une édition de Québec Science qui était faite pour l'occasion du 400e de Québec, où cet article-là voulait souligner le fait que peut-être qu'on célébrait la mauvaise date, qu'on ne devrait pas parler de 1608 pour la Fondation de Québec, mais peut-être de 1603, le moment où Samuel de Champlain et ses collaborateurs ont fait une alliance et un pacte de cohabitation avec les nations amérindiennes dont on ne parle à peu près pas dans l'histoire de la colonisation de la Nouvelle-France. Qu'on parle pas à peu près pas dans notre histoire, finalement. Oui, qui est très méconnu. Je mettrai des liens sur le blog, d'ailleurs. Intéressant. Donc, ce sera tout pour cette semaine. On arrive déjà à la fin de l'émission. Alors, cette émission a été produite... on va dire, c'est une coproduction de Mickaël et de moi-même, animée par, par moi-même et Mickaël et Étienne. Et à la technique, c'était Mickaël. Donc, pour écouter en ligne nos émissions ou commenter, visitez notre site legraindesableqc.wordpress.com où vous trouverez également un lien vers notre page Facebook. Demeurez à l'antenne pour écouter Les Geeks contre-attaque sur les ondes de CKRL 89.1, la radio qui cultive vos goûts. Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Je te montre ta force, tu me tends la mienne. Aujourd'hui, j'ai pas envie de mourir. C'est parce que ta joie brille sur ma foi frêle. Tu m'apprends que vivre compte pour toi que j'aime. Et même... Kalachnikov, la compagnie, oui, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaquent dans un instant. Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces. Ouais, de large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet, que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité, c'est du Saint-Doux. Ouais. Puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble.